Exercice 2. A. Elle prend une douche. B. Ils dorment en haut. C. Ils arrivent demain. D. Il part avec elle. E. Elle adore danser.